Oui, allô? Les gouttes perdent en cascade sur ses traits tirés, se fraient un chemin sur son visage ridé. Il a laissé échapper de sa main son téléphone avant de s'effondrer dans des sanglots aphones. La tête entre les mains, il pleure comme un enfant alors qu'il a déjà fêté son 50e printemps. Et cette voix glaciale fait des tours dans sa tête, lui annonçant froidement l'étendue de sa bête. Il regarde sa femme qui entre dans la pièce et qui ignore encore la raison de sa détresse. Il ne trouve pas la force de chercher ses mots. Ah, il crache ce que la voix lui a livré plus tôt. Comment dire à une mère que son fils est parti, que ses rires et ses peines ont pris fin cette nuit. Entraîné par des fous qui parlent de Dieu et d'honneur, il s'est fait exploser dans le bus de 20h.